West. Bless. Ce narco est du gem pour les vertiges qui viennent du 13. Yeah, yeah, narco, cartouche du gem, bouillon, pour vertiges. Ouais, dans ces scènes, la route est courte jusqu'au royaume des caves. Cache d'escalier sombre, et c'est le trottoir sur 3000 km. C'est le même espoir à quelques mètres qu'un vieux de Prince. C'est pour ça qu'il barre trop tard de crimes. Calais sorti sans fermer l'Elysée, veut faire de moi un clochard plutôt que m'aide. Je reste moi-même, je me plie pas à leur exigence. Tu t'es trompé d'adresse si je cherche de l'élégance et des bruits du coup vrai pour viser l'ego en plastique. À ceux qui roulent ici, à pilote automatique, j'indique ma direction pour qu'on vous trompe pas d'image. C'est un son dirigé pour le fric, mais moi par ma rage. Au mal, c'est qu'un choix. Alors il faut que j'assure ou je finisse le tronc. Ou alors derrière les murs, c'est produit de maison. Ça produit ajouté, on débarque force pouvoir. Si tout le monde est prêt, ouais. Montre-moi que vous êtes prêts. On prend tout ce qu'on a dans les rues et l'amène jusqu'ici. On écrit quand ça vient, quand ça vient on écrit. Petit, ne joue pas avec le feu parce que ça blesse. C'est VRTJS, bienvenue dans le 13. On prend tout ce qu'on a dans les rues et l'amène jusqu'ici. On écrit quand ça vient, on écrit. Petit, ne joue pas avec le feu parce que ça blesse. C'est VRTJS, bienvenue dans le 13. Le flanc d'une terre vient d'en bas, mais je n'ai jamais tourné le dos. Sur le sein, je vois pas de barrière. Pour l'Hollande, c'est vers le haut. Je respire du rap, mange du rap, bois du rap et fume du rap. Je protège mes arrières car je suis toujours en attaque. La puissance de mes paroles et toutes mes idées. Que chaque mètre cube de cet espace soit rempli de fraternité. Égalité, squelette, l'intralité. Ceux qui soumisent pas finissent souvent décapité dans ce monde représentant délégué ou encore d'acteur, dirigeant, 18 ans en prison, un simple spectateur. Tous ces facteurs, tu sens la mort. Et si on transpire, alors on fait un grave effort. La réalité fait peur, mais c'est mon domaine. Elle devient banale comme les défis Fear Factor. Alors je suis pas, je fous la merde avec ma rage qui déborde, ça t'énerve. De dédicace, tout ce que je fais à tous les mecs qui me supportent, certes. On prend tout ce qu'on a dans les rues et l'amène jusqu'ici. On écrit quand ça vient, on écrit. Petit, ne joue pas avec le feu parce que ça blesse. C'est VRTJS, bienvenue dans le 13. On prend tout ce qu'on a dans les rues et l'amène jusqu'ici. On écrit quand ça vient, on écrit. Petit, ne joue pas avec le feu parce que ça blesse. C'est VRTJS, bienvenue dans le 13. Dans le rap, petit sur ta rime, voilà t'as les plus grands Toji. Petit, ne joue pas avec le feu, je t'ai dit, écoute ce que je dis. Les chefs d'état nous blessent, ils stressent, leur qui dérode sur la détresse. Ils nous achèvent dans la faiblesse, c'est VRT, je reste sans stress. Ça résonne et ça blesse, tous les gens qui nous agressent. Tous les gens qui nous blessent avec paroles, toutes des armes. Qui au mieux ont fait couler toutes ces larmes. Je marre du micro pour dire stop, ça en est trop. Très à l'aise de représenter la jeunesse, cramé. Je rappe pour tous mes grandes détresses qui m'ont dit laisse tomber. Je suis pas là pour finir dans l'île des Guinness. On est ce qu'on est pas là pour qu'on s'intéresse à nous. On est pour distribuer toutes vos richesses à vous. Ça vous lave avec élégance, à vous pour les vertices, votre impédance. Promesse métro dans la morale d'une élégance cachée. Le rap mon mortier qu'il ne faut pas cacher. Sachez que personne ne pourra sécher ma plume. Vertige en gros, tu verras, même dans la brume. Ouais, même dans la brume. On prend tout ce qu'on a dans les rues et l'amène jusqu'ici. On écrit quand ça vient, on écrit. Petit, ne joue pas avec le feu parce que ça blesse. C'est VRTJS, bienvenue dans le 13. On prend tout ce qu'on a dans les rues et l'amène jusqu'ici. On écrit quand ça vient, on écrit. Petit, ne joue pas avec le feu parce que ça blesse. C'est VRTJS, bienvenue dans le 13. Bienvenue dans le 13.